Lettre 13e, le monomane. Afin de me faire une juste idée des horreurs à la mode, je suis allé hier au soir à la Porte Saint-Martin voir le monomane, drame en 5 actes d'un monsieur Duverrier. Je ne sais vraiment si je dois ou non vous donner l'analyse de ce monstrueux outrage au sens commun. Si je me décide, ce sera parce que je me flatte que personne ne sera assez fou pour le traduire en anglais ou pour l'importer en Angleterre sous quelque forme que ce soit, et qu'en conséquence, si je ne vous en parle pas, vous courez risque de mourir sans savoir jusqu'à quel prodigieux excès l'amour de l'absurde peut entraîner les hommes. Il faut d'abord que je commence par vous dire, et ce ne sera point la partie la moins extraordinaire du phénomène, que la salle était pleine jusqu'au comble, et que jamais chez nous Shakespeare n'a été écouté avec une attention aussi profonde. Il ne faut pas croire pourtant que l'approbation ou l'admiration ait été soit la cause, soit l'effet de cette silencieuse contemplation. Quant à moi du moins, je puis certifier qu'il n'y avait personne de plus attentif que moi, quoique je fusse certes bien loin d'approuver ce que j'entendais. Si je ne rends pas mon récit d'une clarté parfaite, vous voudrez bien l'attribuer au peu d'habitude que j'ai de faire des analyses de ce genre, mais les traits et les caractères principaux ne m'échapperont pas. Le héros de cette pièce est un homme fort instruit et fort aimable. Ce rôle est joué par M. Locroy avec un talent qui mériterait un emploi plus digne de lui. Cet homme aimable remplit à Colmar la place de procureur du roi, et l'habitude qu'il a de suivre les procès criminels lui a inspiré une passion si violente pour faire verser le sang sur l'échafaud qu'elle se change en véritable manie. Afin de faire connaître ce singulier trait de caractère, M. Balthazar développe ses sentiments secrets dans un discours qu'il adresse à un ami intime. Le discours contient quelques passages qui sont réellement fort bien faits. Il s'y étend avec enthousiasme sur l'immense importance qui s'attache selon lui à l'administration stricte et impartiale de la justice criminelle. Il est impossible de parler plus sagement et d'une manière plus digne d'un magistrat. Mais ce qu'il est difficile de comprendre, c'est que des opinions si raisonnables et si justes puissent conduire à une passion effrénée pour le sang. La scène suivante nous présente pourtant le procureur du roi se délectant avec une sorte de ravissement mystérieux à l'idée d'une exécution qui va avoir lieu et accueillant avec une fureur sauvage les efforts que l'on fait pour prouver l'innocence de l'accusé. Quoi qu'il en soit, la malheureuse victime est exécutée et quand tout est fini, son innocence est en effet reconnue. L'aimable et excellent procureur du roi est fort ému en l'apprenant. Mais il suffit de quelques tours faits sur le théâtre à grands pas et avec des gestes de mélodrame pour dissiper son repentir, et il continue à saisir avec joie toutes les occasions de faire condamner les coupables. J'avoue qu'il ne m'a pas même été possible de deviner le but que l'auteur a pu avoir en s'efforçant de prouver qu'un homme est fou dès qu'il cherche à faire son devoir. On ne saurait se figurer un honnête magistrat débitant plus de vérités incontestables sur les pénibles devoirs que sa place lui impose que ne le fait cet infortuné procureur du roi. M. Victor Hugo dit en parlant de lui-même dans la préface d'une de ses pièces « Il continuera donc fermement, et chaque fois qu'il croira nécessaire de faire voir à tous, dans ses moindres détails, une idée utile, une idée sociale, une idée humaine, il posera le théâtre dessus comme un verre grossissant. » Il me semble que M. Duverrier, l'ingénieux auteur du monomane, travaille d'après le même principe, et que dans cette pièce, il a posé un verre grossissant sur une idée sociale. Mais pour en revenir à ce drame en ces 5 mortels actes, après l'exécution, le véritable auteur de l'assassinat pour lequel l'infortuné victime de l'enthousiasme légal a péri innocemment, arrive sur la scène. Il est amené malade ou blessé dans la maison d'un médecin chez qui le procureur du roi et sa femme sont en visite. Balthazar voit coucher l'assassin dans une chambre qui communique avec celle de son ami le médecin. Il se couche ensuite avec sa femme et s'endort, à ce qu'il paraît, sur le champ, car nous le voyons au bout d'un moment sortir tout endormi de sa chambre et suivre une galerie à l'extrémité de laquelle un escalier conduit sur le théâtre. Nous le voyons descendre cet escalier, prendre un instrument dans un étui appartenant au médecin, entrer dans l'appartement où l'assassin était placé, revenir, remettre l'instrument dans l'étui, laver ses mains ensanglantées, les essuyer à une serviette, remonter ensuite l'escalier et rentrer dans la chambre de sa femme, le tout dans le silence d'un profond sommeil. L'attention que prêtèrent les spectateurs à cette longue scène muette fut telle que l'on eût dit qu'il y allait de la vie de chacun d'eux de ne point réveiller le sanguinaire dormeur. Et les applaudissements qui éclatèrent quand le terrible procureur du roi se trouva de nouveau en sûreté dans sa chambre furent assourdissants. Le lendemain matin, on découvre que l'étranger malade a été assassiné, et sur le champ, le procureur du roi, avec l'ardeur accoutumée qu'il met à la recherche des coupables, s'occupe à rassembler toutes les circonstances qui peuvent jeter quelques jours sur cette terrible affaire. Tout se réunit pour faire tomber les soupçons sur le pauvre médecin. Surtout l'instrument, encore taché de sang, qu'on trouve dans son étui, et la serviette à laquelle le meurtrier s'est essuyé. Il est en conséquence arrêté, poursuivi et condamné. Cet infortuné médecin a un oncle qui suit la même profession que lui et qui est en outre grand partisan du magnétisme animal. Celui-ci, soupçonnant que Balthazar lui-même est le coupable, imagine un moyen fort adroit pour le forcer à se trahir. Il prend la résolution de le magnétiser en plein tribunal, dans le moment même où il remplit les devoirs importants de sa place, espérant que, si l'on parvient à l'endormir, il fera connaître par hasard la vérité dans son sommeil magnétique. Cette admirable idée est couronnée d'un plein succès. Le procureur du roi tombe en effet dans un profond sommeil aussitôt que le vieux docteur commence ses manœuvres magnétisantes. Et dans cet état, il ne se contente pas de décrire à haute voix tous les détails de l'assassinat, il les met encore par écrit et signe sa déclaration, toujours sans se réveiller. Il me semble qu'on ne peut s'empêcher de remarquer à cette occasion combien cet aimable procureur du roi est malheureux quand il dort. La première fois que nous assistons à son repos, il tue un homme sans savoir ce qu'il fait, et la seconde fois, il avoue son acte sans le savoir davantage. Aussitôt que cet infortuné magistrat a achevé l'affaire pour laquelle on l'avait endormi, on le réveille et on lui fait voir sa déclaration. Il ne fait aucune difficulté de reconnaître son écriture, qui est à ce qu'il paraît la même dans le sommeil que dans la veille. Mais il exprime à la fois l'horreur et la surprise que fait naître en son âme la lecture de cette pièce, dont le contenu est aussi inattendu pour lui que pour le reste des assistants. Il paraît que sa place de procureur du roi le met à l'abri de toute poursuite, car le seul résultat de la découverte qui vient d'avoir lieu est une vive recommandation que lui font ses amis, et en particulier les deux médecins, d'aller voyager pour calmer l'agitation de son esprit. En attendant, nous avons appris par un petit épisode que dans un de ses inquiétants sommeils, cet homme aimable, mais infortuné, a montré quelques désirs d'assassiner sa femme et son enfant. D'après cela, les médecins sont d'avis que le voyage qu'on lui a conseillé se fasse sans eux. Balthazar s'oppose fortement à une semblable proposition et dit avec beaucoup de tendresse à sa charmante femme qu'il sera fort triste sans elle. Quoique madame ait naturellement un peu peur de son mari, elle répond avec une douceur exemplaire que puisqu'il en est ainsi, elle sera charmée de l'accompagner et ajoute tendrement qu'elle mourrait volontiers pour lui prouver son attachement. Rien ne pouvait être plus malheureux que l'expression dont elle se sert. Au seul mot de mourir, son accès lui reprend. Il manifeste sur le champ le plus grand désir de la tuer et cette fois il se dispense même de la cérémonie préalable de s'endormir. Animé de cette pensée chérie, roulant des yeux, pâlissant, ses cheveux se dressant, en un mot, le terrible génie du mélodrame enflant toutes ses veines, Balthazar s'assoit sur le sofa à côté de son épouse tremblante et prenant le peigne qui relève ses beaux cheveux, c'est Mademoiselle Noblet qui joue ce rôle, il se dispose en apparence à l'étrangler avec cette noire et brillante corde qu'il tire dans toute sa longueur et qu'il tourne et retourne si souvent dans sa main que le spectateur éprouve un irrésistible frisson. Mais enfin, au moment où le terrible dénouement semble sur le point d'avoir lieu, elle se jette tendrement dans ses bras et il change, ou du moins paraît changer momentanément de propos. Il la laisse aller. Dans cette conjoncture critique, les deux docteurs surviennent. Balthazar regarde d'un air égaré d'abord les médecins, puis sa femme, puis de nouveau les médecins, et finit par leur dire qu'il faut absolument qu'il s'éloigne pour un moment. Il traverse le groupe qui le contemple dans un morne silence, mais en approchant de la porte, il prononce le mot « poison », entre dans l'appartement voisin, ferme la porte après lui et y met le verrou. À cette vue, sa femme pousse un cri, et les deux médecins courent chercher une barre de fer. On brise la porte, le procureur du roi paraît, bien éveillé, mais ayant avalé le poison dont il a parlé. Cette scène termine l'étrange et terrible histoire. La toile tombe au moment où l'exalté procureur du roi expire dans les bras de sa femme et de ses amis. Toutes les fois que nous voyons dans les pays étrangers quelque chose de remarquablement absurde, nous sommes portés à nous flatter que rien de semblable n'existe chez nous, et ce sentiment est si naturel que je crains presque de comparer cet inconcevable amas de sottises avec la plus détestable pièce qui ait jamais paru sur le théâtre en Angleterre, de peur que quelques personnes, plus au fait que moi de cette branche de la littérature, ne citent quelque énormité anglaise dont j'ignore l'existence et ne mettent par là mon patriotisme en défaut. Toutefois, je ne puis quitter ce sujet sans déclarer que jamais, à ma connaissance, plusieurs centaines d'Anglais réunis n'ont écouté patiemment de pareilles absurdités. Il n'y a dans cette pièce point d'atrocité vicieuse, point d'horrible perversité, pour autant du moins que j'ai bien saisi la philosophie abstraite qui y domine, mais sa niaiserie surpasse celle d'un petit enfant. Les grimaces, le jeu muet, les passions nouvellement inventées et la série d'événements impossibles dont ces cinq longs actes se composent m'ont semblé présenter dans l'esprit de l'homme qui a écrit cette pièce une anomalie jusqu'ici sans exemple. Est-ce donc là le résultat des progrès de l'esprit humain? Est-ce là le fruit de ces connaissances qui, à ce que l'on nous dit, se répandent si généralement dans le monde? J'ai beau réfléchir sur ce mystère, je ne le comprendrai jamais. Non, jamais je ne concevrai comment une réunion de spectateurs français, si vifs, si spirituels, si pénétrants, si prompts à saisir le côté ridicule de toute chose, peuvent écouter, pendant plusieurs représentations, de l'air le plus grave et avec toute l'apparence de la satisfaction, les incroyables absurdités dont fourmille le monomane. En un mot, le succès de ce drame est un mystère qui ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Ne serait-il pas possible que les jeunes gens, voulant abuser de leur pouvoir, eussent résolu, dans un accès de gaieté, de mystifier leurs concitoyens en faisant réussir cette pièce ennuyeuse? Peut-être, en ce moment même, se félicitent-ils du succès de leur espièglerie et rient sans cesse en voyant les Parisiens obéissants aller chaque soir à la Porte Saint-Martin admirer ce qu'il leur a plu d'appeler un beau drame. Mais je ne veux plus chercher à deviner. Car le sage a dit « Découvrir le sens caché des paraboles est un travail pénible pour l'esprit. » Certains critiques, en parlant de la nouvelle école dramatique de France, disent qu'elle a fait trembler la terre sous les pieds de Racine et de Corneille. Si cela est en effet ainsi, tout ce que les vrais amateurs de la tragédie ont de mieux à faire est de rester tranquillement chez eux et d'attendre avec patience que la terre ait cessé de trembler. Je n'ai aucun doute que son agitation se calmera. La sottise n'a point en elle l'essence de l'immortalité, et quand la tempête qui a éparpillé sur nous toute cette écume sera passée, je suis bien certaine que Corneille et Racine retrouveront en France un terrain solide pour s'appuyer. Et de plus, il n'est pas impossible que, trouvant dans le temple des grands écrivains français la place qu'ils occupaient toujours vacante, ils ne soient invités à en reprendre possession, et alors, ils pourront y demeurer pendant quelques siècles encore, sans crainte que de plus grands hommes se présentent pour les en chasser.